It's oh so sad. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est vraiment transformer la matière, sculpter, modeler, avec pour seul outil justement ses mains. Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'art en Lorraine et en Alsace à écouter une fois par mois, le vendredi à 18h, rediffusé le dimanche à 10h30. Aujourd'hui, rencontrons Yasmina Benessela Drové, feutrière, dans son atelier à Deugneville, dans les Vosges, en Lorraine. Yasmina Benessela Drové, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre atelier, donc à Deugneville, en Lorraine. Tout à fait, un petit atelier dans la ville de Deugneville qui se trouve à côté d'Épinal. Donc c'est à l'intérieur d'un ancien corps de ferme que nous avons restauré et donc j'ai mon atelier derrière la cuisine. Atelier magnifique d'ailleurs, je vous invite à le découvrir. Yasmina Benessela Drové, vous êtes feutrière, c'est-à-dire ? Alors c'est-à-dire, ce terme-là indique que l'on travaille une fibre. Ici, le feutre, on travaille une fibre animale, qui est la laine de mouton ou la laine de chèvre, donc que je travaille avec la technique ancestrale de feutrage à l'eau et au savon. Avec cette technique, je peux réaliser des vêtements, des accessoires, des objets décoratifs. Voilà, donc c'est un peu, mon univers avec cette technique. Alors Yasmina, vous n'étiez pas destinée à être feutrière. J'ai envie de vous demander quel a été le déclic, pourquoi cette rencontre avec le feutre ? Alors j'ai un parcours un peu atypique, disons que mon premier métier était dans l'industrie de l'habillement. Dans l'industrie c'était très compliqué, il fallait faire des pièces, plus d'une centaine de pièces par jour, donc c'était invivable. Donc je me suis renseignée pour faire un autre métier, donc qui a été au départ secrétaire. J'ai changé de région aussi, région parisienne sud, puis ensuite la Champagne-Ardenne. Donc à Reims, eh bien là, il fallait tout recommencer, donc reprendre des études. Donc j'ai repris des études par correspondance, donc pour passer à un BTS assistante de gestion. Donc j'ai travaillé 8 ans à Reims, dans une grosse boîte d'industrie agroalimentaire belge. Et puis, je suis repartie avec mon conjoint qui, lui, était déjà sur Golbey, donc déjà dans les Vosges. Et alors là, vous avez eu un déclic ? Alors, j'ai eu un déclic en regardant un reportage sur un métier d'art qui était feutrier, justement, feutrière. Donc là, j'ai été, émerveillée, interloquée, et je me suis posé la question, mais comment est-ce possible de travailler une fibre sans avoir un autre outil que ses mains ? Le vêtement est sans couture, donc il n'y a pas de piquage. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est très intéressant aussi. Ah. Et en même temps, je ne vais pas dire que c'est magique, mais il y a une dimension qu'on a du mal à percevoir. Donc j'ai fait des essais, j'ai acheté de la matière, je me suis dit pourquoi pas essayer, ça m'intéresse, je veux comprendre un peu comment ça se passe techniquement. Donc j'ai fait un essai sur une écharpe, donc sur une base plane, j'ai vu que ça fonctionnait, donc je me suis dit peut-être que je comprends quelque chose. Donc j'ai réitéré ces opérations un peu plus, en poussant un peu plus, c'est-à-dire en faisant une pochette. Là, on parle de fusion, donc on fusionne les côtés. Ça veut dire qu'on va justement avoir le sans couture. Donc là, il fallait quand même un peu anticiper par rapport à son gabarit de base qui va nous servir justement de moule pour pouvoir travailler tout autour de ça et avoir la forme exacte du produit. Donc j'ai réussi. Ben, je me suis lancée. Je me suis dit, allez, faut y aller, faut voir, et puis on verra bien la suite, quoi, je veux dire. Petit à petit. Alors justement, Yasmina, vous nous montrez concrètement comment est-ce qu'on réalise un vêtement ? On y va ? On va dans la partie atelier ? On va dans la partie confection. Atelier, voilà. Donc, dans mon atelier, donc, j'ai différentes matières et différentes couleurs, puisqu'il me faut quand même beaucoup de matériaux pour pouvoir avoir un panel assez important pour avoir une texture, un rendu un peu plus imaginatif que d'ordinaire. Donc là, j'ai en cours de réalisation une pochette, un rectangle. Et ici, j'ai travaillé déjà une face, enfin, les deux faces sont déjà plus ou moins travaillées, avec un décor qui est plutôt dans les tons verts, mais les steppes. Donc les steppes, donc avec des verts, des marrons, des petites pointes un peu chocolatées, mais comme des petites billes qui vont donner un peu de relief. De relief, oui. Une ligne d'horizon qui est plutôt un côté sable, oui. Qui va montrer un chemin aussi. Puis voilà, donc c'est en attente de frottement. Et donc la première étape, c'est le gabarit, vous l'avez déjà fait là. Alors, le gabarit est déjà à l'intérieur de cette poche, puisque là je vais construire tout autour mon visuel. L'ensemble est enveloppé par une moustiquaire, donc qui va permettre à l'eau de transpercer, au savon également, mais de couvrir l'ensemble du décor. Comme ça, les différentes parties ne pourront pas s'échapper. Et la technique du feutre d'une eau, c'est qu'à la fin, justement, ces différentes matières ne feront plus qu'une. Exactement, c'est-à-dire que le feutre nuno. Nuno veut dire tissu en japonais. Le feutre, c'est que de la laine. Laine sur laine. Le feutre nuno, on va fusionner différentes matières qui peuvent être de la mousseline de soie, un tissu un tout petit peu plus épais. C'est toujours des tissus très aérés et légers. Alors ensuite, qu'est-ce que vous faites, Yasmina ? Alors, lorsque c'est couvert, je vais mettre de l'eau, donc pas asperger d'eau complètement, mais avec mon éponge, je vais tendre mon éponge sur toute ma surface. Donc c'est ce que je vais faire. Là. Donc, il ne faut pas la gorger d'eau, mais mettre suffisamment d'eau pour que la fibre s'ouvre. Parce qu'à l'intérieur, justement, de la laine, il y a des petites écailles. Au contact de l'eau, elles vont s'ouvrir. Et avec les frictions que je vais apposer avec mon savon, elles vont s'entremêler, ces écailles-là. Comme les écailles du cheveu, à peu près. Hein. Donc là, je continue à asperger mon décor. Après cette étape-là, je vais appuyer sur l'ensemble du décor. C'est-à-dire que je vais apposer mes mains et puis je vais forcer la matière à absorber toute cette eau quand même. Donc, j'appuie. Donc l'eau ressort un tout petit peu. Voilà. Donc s'il n'y en a pas suffisamment à certains endroits, je dois en remettre. Il faut vraiment que la matière soit imbibée de cette eau. Voilà. Donc maintenant, je vais frotter sur mes mains mon savon et je vais appliquer ce qu'il y a sur mes mains sur la moustiquaire. Donc ça va transpercer plus ou moins. Ça va permettre à la laine justement de pas s'assouplir, mais c'est plutôt à la fibre. Les enchevêtrements et la fusion se fera plus facilement. Ça va gainer le poil. Et donc là, après, vous apposez de nouveau vos mains sur le tissu. Voilà, sur le tissu, donc ça va... Sur la moustiquaire. Exactement. Donc une première fois. Et maintenant, je vais prendre le savon et je vais frotter sur la moustiquaire. Avec le savon. Avec le savon. Voilà. Je vais maintenant frotter avec mes mains sur tout l'ensemble, donc avec des mouvements circulaires. Donc le savon ressort un petit peu de la moustiquaire, c'est normal. C'est normal, il n'y a pas de... ça ne va pas mousser beaucoup, hein. Ça ne mousse pas, c'est... on voit bien que ça blanchit, mais c'est pas un souci, hein. C'est normal ça. Le vêtement sera plus que propre à l'arrivée. Ça, on peut le dire, il sera nettoyé. Parfait pour lui, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je commence à frotter un tout petit peu plus énergiquement. Parce que pour que la fibre, justement, s'entremêle un peu plus, là. Parce que c'est très mou. Sous mes doigts, je le sens, c'est... comment dire, la laine s'est expansée, donc elle s'est gorgée d'eau, donc elle s'étale. Alors que maintenant, je veux que la laine, justement, que la fibre, elle se contracte. Donc, il va falloir l'aider. Donc ensuite, je vais quand même vérifier un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que je vais soulever ma moustiquaire et je vois à travers justement ce grillage que des petits poils justement de laine essayent de s'agripper. S'agripper à tout. Donc aussi à ma moustiquaire. Donc ça veut dire que ça commence, j'ai un début de fusion et donc d'enchevêtrement de la matière. Donc le feutre commence petit à petit à se former. Exactement. Donc entre la matière quand elle est... comment dire, quand on la reçoit, c'est comme une ouate. Lorsqu'elle est mouillée et savonnée, et ça n'a plus... et frictionnée, on n'a plus du tout le même objet, le même rendu de matière. Donc, je vais insister aussi sur les parties de renfort, c'est-à-dire le fond de cette pochette, pour que les angles soient bien fermés. À l'extérieur, donc je frotte un peu plus. Pour que la fusion se fasse pleinement. Exactement, donc il faut frotter là. Je retourne tout mon ensemble et je vais la mettre dans une natte en bambou pour pouvoir fouler. C'est une étape aussi supplémentaire de réalisation pour fabriquer justement son feutre. Et terminer la fusion, c'est ce qu'on appelle le foulonnement. Le foulonnement, c'est-à-dire, oui, ça va permettre, comment dire, à la matière de s'épaissir, se contracter, fusionner avec les différentes matières, s'épaissir, et ça tout au long des différentes étapes du foulonnement, puisque là, je vais la placer une fois dans un sens, et ensuite, je vais faire un quart de tour à chaque fois sur toutes les faces de mon produit. C'est parti, on y va pour le foulonnement. Alors, je vais placer ma création au-dessus, puis je vais l'enrouler le plus serré possible. Donc c'est ce que je fais, j'enroule ma création dans cette natte, qui est très longue, mais bon, c'est pas très grave. Peu importe la longueur de la natte. Là, donc maintenant, je vais faire un mouvement de va-et-vient sur l'ensemble de ce petit rouleau de natte. Comme si vous pétrissiez la pâte. Un peu comme ça, c'est-à-dire que là, au lieu de, on va dire, de dérouler une pâte, là, plutôt, je l'enroule, cette pâte. Elle est déjà à l'intérieur. Donc là, je fais un mouvement un peu plus rapide. Ouais. Et mes mains vont se déplacer de l'extérieur à l'intérieur. Vers le centre. Vers le centre. Et revenir vers l'extérieur. Voilà. C'est un mouvement répétitif. Je vais ouvrir maintenant la natte. Là, elle était dans le sens de la hauteur, donc je vais la mettre dans le sens de la largeur pour que la réduction et l'épaississement se fassent aussi dans ce sens-là. Si je foulais que dans un seul sens, ma matière se réduirait et s'épaissirait que dans un seul mouvement. Oui. Donc j'aurais des aberrations, on va dire, dans toute ma matière. Donc c'est pas ce qu'on recherche. On recherche justement une matière dense et solide. Donc il faut que ça soit dans tous les sens du vêtement ou du produit. Mm-hmm. Donc pareil, j'enroule ma natte. De nouveau. Donc à l'intérieur, il y a le produit. Et puis, je vais faire ce mouvement de va-et-vient. Vous déroulez la nappe ? Je déroule. Et puis, je vais un peu voir ce qui se passe aussi. Donc, je vais enlever la moustiquaire. On voit déjà les différents tons, les différentes matières, les reliefs. Oui. Donc c'est impressionnant. C'est en peu de temps, finalement, avec beaucoup d'énergie, mais en peu de temps, on voit le matériau qui se construit. Tout à fait. Donc il y a une étape aussi que nous n'avons pas parlé, c'est réchauffer la matière. C'est-à-dire que du début jusqu'à maintenant, je ne travaille qu'avec de l'eau froide. Oui. Donc je vais réchauffer ma matière avec de l'eau chaude. D'accord, le chaud contribue à contracter la matière, comme si c'était un chaud et froid, mais d'un seul coup, donc ça va contracter tout cet ensemble. Mm-hmm. Et donc là, vous allez faire chauffer de l'eau chaude. Exactement. Et puis verser de l'eau sur toute cette poche et refaire justement le foulonnement. Donc là, ça y est, l'eau est chaude. On va passer à la prochaine étape, donc, qui est de verser de l'eau chaude sur tout cet ensemble. Donc, je remets ma moustiquaire quand même, hein, parce que faut être prudent. Hein. Oui. Voilà. Je dirais attention à vos doigts maintenant. Oui. Je refais le foulonnement. Donc je refais encore, j'enroule mon produit. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus d'eau. Donc il y aura plus d'eau qui va sortir, qui va s'évacuer de cet ensemble, ce qui est logique. Et alors là, Yasmina, est-ce qu'il y a une dernière étape ou est-ce que c'est terminé ? Alors la dernière, non, ce n'est pas terminé. La dernière étape, c'est de frapper sa matière. Donc je vais un peu enlever de l'eau parce que là, c'est gorgé d'eau. Donc j'essore, mais je ne tords pas. Mm-hmm. Voilà. Et puis là, je vais le projeter sur ma table. Ça va permettre à la matière justement de de plus en plus se contracter. Donc là, le produit est presque terminé. Il me reste, on va dire, l'enveloppe intérieure, donc à construire un nouveau décor pour cette enveloppe de pochette. Et une fois que ce sera fait, ensuite, on la laisse sécher ? Alors ensuite, je vais le rincer, le débarrasser du savon. On le laisse pas sécher avec le savon. Donc, je vais le rincer complètement à l'eau dégourdie, à l'eau tiède. Hein. Et puis, je vais essorer son surplus d'eau. Donc, soit à la main. Donc, pas de torsion hein, de matière, surtout pas. Donc, on le prend à pleine main et puis on l'essore au maximum. Et puis ensuite, on va le laisser sécher soit sur un objet qui aura la forme ou sur un étendoir à plat. Combien de temps à peu près ? Eh bien, tout dépend de l'épaisseur, là, je dirais, pour ce genre de pochette, en gros, 24 heures, 24 heures en plein été. Et après, c'est bon. Et après, c'est bon, vous pouvez l'utiliser pour votre ordinateur ou pour votre objet de connexion informatique. Yasmina, quelles sont vos sources d'inspiration ? Elles sont diverses, c'est aussi bien les voyages que je peux faire, les rencontres avec différents paysages, mon jardin, puisque je travaille, mon atelier est juste à côté de mon jardin, donc j'ai vraiment une source d'inspiration assez vaste. C'est vrai qu'il y a une belle vue. Hein. Voilà, donc avec une baie vitrée, donc évidemment la lumière est importante et les couleurs sont aussi importantes, le rendu est très important pour pouvoir capter justement la lumière, etc. Mmh. Et puis ben, l'architecture, ça peut être aussi une peinture, voilà, donc c'est vraiment très, très vaste. Hein. Très vaste. Alors par exemple, si on prend une création là, qu'on a devant les yeux, avec le yak, vous nous parliez à l'instant de vos sources d'inspiration, comment s'est créé ce vêtement ? C'est un manteau, un grand manteau avec un large col, donc un manteau long, hein. Donc lui, c'est d'inspiration plutôt ethnique, mais plutôt, on va dire, grand froid, comme un peu les Esquimaux. Oui. Donc je me suis inspirée un peu de leur tenue, même si c'est pas l'exactitude. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un rendu plus ou moins figuratif de ce que je me représente, par exemple, pour cette période Esquimaux. Donc là, ici, j'ai construit déjà mon gabarit. Avant tout, on construit d'abord son gabarit avant de pouvoir mettre la matière dessus. Et pourquoi un gabarit ? Parce que ce gabarit-là, justement, va permettre d'avoir, par exemple, mon manteau avec les bonnes proportions de taille. Parce que sinon, je crois que ça limite de 20-30%, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport aux matières, c'est-à-dire que si on met de la mousseline de soie et de la laine, les fusions vont se faire et la matière va s'épaissir. Et donc, il y aura on va pas dire une perte, mais un épaississement qui va rétrécir. Et donc, on aura 25%, voire 30% en moins. Donc, il faut prendre en compte ces différents paramètres pour pouvoir justement construire son gabarit déjà. D'accord. Alors là, après, vous faites le gabarit. Oui. Et là, est-ce qu'on peut décrire un petit peu le manteau qu'on a sous les yeux ? Alors, ce manteau à large col est défini avec plusieurs matières. Le col est avec une toison de mouton Gotland. Donc, c'est une toison très frisée, couleur gris cendré, que j'ai mis tout autour de ce col. On le retrouve avec des poils un tout petit peu plus longs au niveau des manches et au niveau du bas du manteau. Oui. Donc tout ça entoure un peu ce vêtement. Ensuite, nous avons plusieurs niveaux de couleurs. C'est-à-dire qu'on part d'une couleur un peu chamois, avec une bande bordeaux, lit de vin, une bande turquoise, encore une bande lit de vin, un petit décor graphique qui est lit de vin, mais avec un fond plutôt blanc nacré. Je vais finir par deux autres bandes, lit de vin et couleur un peu chamois. Et il y a aussi des reliefs. Alors, il y a des reliefs. Ce sont des bouloches de laine de mouton mérinos que l'on peut justement poser sur différentes parties et donc indiquer un mouvement. Par exemple, là, moi, j'ai indiqué un mouvement comme des pas sur cette terre. Et alors, c'est vrai, moi, ce qui m'a surprise un petit peu quand j'ai préparé cette interview avant de venir, c'est que le feutre, on pense souvent que le feutre, c'est pour des vêtements d'hiver. Là, c'est le cas. Mais je crois aussi que vous avez fait une robe un petit peu particulière pour l'été. Racontez-nous. Oui, ce fut ma robe de mariée. Donc, le 6 juin, je me suis mariée avec ma robe réalisée en feutre laine, donc laine de mouton mérinos, mousseline de soie, et de la dentelle de Calais. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais c'est très léger et vraiment, vous ne la sentez pas. Quoi. Je veux dire, quand vous la portez, vous avez l'impression d'enfiler comme un gant. Comme une seconde peau. Comme une seconde peau. Donc vraiment, il n'y a pas de gêne. Vous pouvez, même si vous avez chaud, ce qui a été le cas quand même. Donc j'ai transpiré, mais en même temps, ça a absorbé mon humidité. Et pendant toute la journée et la soirée, j'ai pas eu de désagréments, on va dire, d'humidité, puisque ça partait au fur et à mesure de la soirée, quoi. Voilà. Et en fait, le fait que ça tienne chaud, c'est lié à l'épaisseur, tout simplement, du feutre que vous mettez ? Alors, c'est lié aussi au principe technique de la laine, hein, c'est-à-dire qu'elle va vous tenir chaud. Plus c'est épais, elle va vous tenir de plus en plus chaud, mais c'est normal, puisqu'on aura plus d'épaisseur en hiver. Par contre, si on met moins de laine pour un vêtement d'été ou printemps, là, vous serez, comme si vous aviez une petite laine sur vos épaules, un petit gilet, quoi, simplement. Mm-hmm. Ça ne vous tiendra pas trop chaud, ça tempérera justement votre chaleur corporelle avec celle de l'extérieur. Et Yasmina, vous faites des vêtements et pas que. Je me suis aussi laissé dire que vous faites également des petits sacs. C'est assez nouveau, ça. Alors oui, c'est nouveau. C'est une petite découverte pour moi. Je me suis, j'ai essayé de découvrir un peu l'objet décoratif qu'on pose sur les tables, c'est-à-dire pour moi un vase. Mais un vase avec le feutre, on ne peut pas laisser la plante directement dedans avec de l'eau. Donc, ce que j'ai réalisé, ce sont des poches florales avec des ouvertures à plusieurs endroits de cette poche qui pourront laisser justement quelques branchages de divers bruyères ou petits lierres qu'on pourra mettre à l'intérieur avec un petit pochon plastique et voilà, vous pouvez justement le suspendre ou le poser sur votre table. Qu'aimez-vous le plus au quotidien ? Alors, ce qui me plaît le plus dans ce travail, c'est vraiment transformer la matière, sculpter, modeler, avec pour seul outil justement ses mains. C'est ça qui est le plus incroyable, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'outillage mécanique pour pouvoir réaliser le feutre. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Puis après, c'est tout ce qui est autour, c'est-à-dire que là, je travaille seul. Bien souvent, je suis seul dans mon atelier, mais lorsque je suis, par exemple, en exposition ou pendant les journées européennes des métiers d'art, donc là, on ouvre son atelier et on communique avec le public. Donc il y a un moment de partage et vraiment, le public est reconnaissant, bien souvent reconnaissant, parce qu'il ne s'imaginait pas justement ce travail-là et toutes ces étapes-là. C'est vrai que c'est un métier pas encore connu qui, depuis février 2016, est officiellement rentré dans la catégorie métier d'art. Donc, on espère vraiment que ce métier va se développer. D'ailleurs, j'en profite, Yasmina, il me semble que vous donnez des cours. Exact. Je donne des cours donc chez moi, dans mon atelier, mais je peux aussi me déplacer dans différentes structures pour justement initier et partager un moment avec des personnes tout à fait diverses, qui peuvent être un lycéen, un adulte, une maman et sa fille. Voilà, donc c'est pour tout public. Parlez-moi de la création qui vous a le plus marqué depuis votre installation en 2011. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que je réalise ma robe de mariée. Personne ne pensait que j'allais le faire. Tout le monde pense que justement cette matière a des contre-indications, c'est-à-dire qu'on aura trop chaud. Et c'est pas ce qui s'est passé. De toute façon, c'est ce que je répète souvent, c'est-à-dire que cette matière va laisser respirer la peau, donc vous ne serez pas comme dans une cocotte minute et rouge parce que vous avez trop chaud. C'est pas le cas du tout. Quelle qualité, selon vous, Yasmina, faut-il pour être feutrière ? La qualité principale, c'est aimer le travail manuel déjà, parce qu'on est confronté justement à toucher la matière, et puis il y a une question de réflexion aussi, quel produit utiliser et quelle fusion après se fera avec ces différents produits. Donc c'est aussi intellectuellement réfléchir, il y a une réflexion en amont qui doit se faire, comment construire son vêtement ou son gabarit, ça aussi il faut appréhender tous ces étapes de calcul et on va dire tout ce qui peut être un travail physique, ça c'est moins qu'on puisse dire. L'a vu dans la démonstration. Il faut des fois se dépasser physiquement parce que c'est, on va dire, épuisant psychologiquement, mais physiquement. Au niveau des bras ? Au niveau des bras, au niveau du dos, il y a des postures où il faudra faire attention puisque plus on aura par exemple un manteau qui sera gorgé d'eau, donc beaucoup plus lourd. Donc quand je vais fouler, il faudra que je avoir une table à sa hauteur et puis après faire des mouvements vraiment avec une bonne position et une bonne prise en main pour ne pas se faire mal, parce qu'on va pas ressentir la douleur immédiatement, mais au bout d'un certain nombre d'années, il y aura des inflammations qui se feront et voilà, des tendinites à répétition, et après on peut plus travailler. Faire attention aussi à son corps. À son corps, exactement, parce que de toute façon on fait corps avec la matière. Peut-on vraiment tout faire, Yasmina, avec le feutre ? Est-ce que, par exemple, il y a des limites ? Les limites, pour moi, je ne les connais pas. Je dirais que, dans l'absolu, on pourrait tout réaliser en feutre. Maintenant, quels sont les objectifs ? Qu'est-ce qu'on n'a pas étudié techniquement ? Et vous confirmez que ça ne se déchire pas, ça ne casse pas. Ça ne casse pas. La seule chose qui puisse, on va dire, fragiliser la fibre, c'est vraiment un coup de ciseau. Comme dans tout vêtement. Comme dans tout vêtement. Là, bien sûr, bon, si c'est malencontreusement fait, il n'y a pas de solution miraculeuse. Bon, c'est à coudre après ou à inventer un petit système. Mais bon. Mais sinon, ça ne casse pas. Ça ne casse pas du tout, du tout. Qu'aimeriez-vous dire aux auditeurs qui nous écoutent ? Que le feutre, c'est une matière très agréable. Au toucher, c'est doux, c'est facile à nettoyer. Il faut simplement respecter la règle de base qui est un lavage à la main uniquement. Mm-hmm. Même si on dit, oui, moi j'ai une machine à laver qui peut faire un mouvement de balancelle et qui ne fera pas un tour complet, je dis non, simplement, il n'a pas besoin d'être lavé régulièrement, une fois tous les 15 jours et encore. Où pourra-t-on vous retrouver prochainement, Yasmina ? Alors, je vais exposer à la Galerie du Bailly à Épinal, donc du 23 septembre au 28 septembre. Le thème, c'est « Entre steppe et désert ». Être transporté dans différents mondes. Voilà, dans différents mondes, dans différents lieux. Et voilà, donc il y aura des mannequins, mais ce n'est pas l'objet visuel primordial. Hein. Plutôt une exposition. Voilà, plutôt une exposition. Et je me suis laissé dire, Yasmina, que vous allez peut-être travailler avec un pays un peu plus lointain. Racontez-nous. Alors, la Mongolie, c'est vraiment une découverte pour moi, puisque j'y suis allée il y a 15 jours de ça. Donc, j'ai pu découvrir des paysages grandioses, mais aussi une population solidaire et vraiment accueillante. Donc, même si on ne parle pas la même langue, ce n'est pas très grave. On se comprend et vraiment, ils sont... Ils sont contents et moi j'en suis sortie vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est de revenir, de repartir les rencontrer. Pour une peut-être future collaboration ? Voilà, pour un partenariat entre justement une économie équitable. Donc c'est ce qui serait intéressant. Maintenant, il faut chercher et trouver justement quelques associations ou partenaires pour pouvoir actionner ce processus. Le mot de la fin, Yasmina. Ah ben, le mot de la fin, je dirais, n'hésitez pas à pousser la porte de mon atelier. Vous êtes où, rappelez-nous ? Au 128 rue Abbé Poirot, à Dogneville, donc à côté d'Épinal. En Lorraine ? En Lorraine. Donc, je vous accueillerai volontiers, si c'est pour aller visiter ou me voir travailler, et même pour vous initier, pour réaliser peut-être une écharpe ou un objet que vous aurez l'utilité de porter. Merci beaucoup Yasmina. Merci à vous et puis à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Rendez-vous le mois prochain, le 28 octobre, pour une nouvelle émission de Main de Maître. À bientôt.